Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. C'est la troisième édition du Bootcamp à Dolbeau-Missassigny, au centre de Miski. Question de savoir un peu comment, s'il y a des nouveautés cette année. On parle avec celui qui est en charge depuis la première édition, Richard Bello. Salut Richard. Salut Danny. Richard, troisième édition cette année, à quoi qu'il faut s'attendre? Il faut s'attendre à un parcours relevé, comme par les autres années. Nous allons voir encore un 6 km de course, de marche, ou pour ceux qui veulent le descendre sur les fesses, parce qu'on va descendre les pentes de demi-ski, peu importe la façon qu'ils vont voir réaliser 6 km, c'est encore un 6 km avec 30 obstacles cette année. OK, 30 obstacles. Donc, il y a encore plus d'obstacles que les autres années, c'est ça? Plus difficile peut-être? C'est pas mal. C'est pas mal le même nombre d'obstacles. Sauf que cette année, nous en avons, comme à chaque année, nous en avons 8 nouvelles par rapport aux autres années là, pour faire différent. C'est sûr qu'on recommence pas à zéro tous nos obstacles à chaque année. Mais on les modifie, on les adapte chaque année. Mais on modifie le parcours. Ce sera pas le même parcours là, que l'an passé. Que la première édition, c'est on change le parcours, mais je peux promettre une chose cette année, il va y avoir encore plus de boue pour les personnes qui vont faire la course. OK. Dis-moi, est-ce que les gens qui vont là, est-ce que tu t'attends encore à 1000 inscriptions encore à cette année? Oui, on s'attend encore aux alentours de 1000 inscriptions. OK. C'est une bonne organisation. J'ai besoin de... la journée de la course, nous allons avoir 100 bénévoles sur place. Comment 100 bénévoles? C'est bon? 100 bénévoles. Puis depuis maintenant 2 semaines, j'ai 5 bénévoles là, de Louis-Missassini qui montent les obstacles puis qui travaillent là-dessus d'arrache-pied. En fait, semaine passée, là, il était une dizaine... samedi et dimanche à travailler pour mettre le parcours prêt pour en fin de semaine. OK. Dis-moi, si on parlait un peu des gens qui proviennent, est-ce que ça vient beaucoup de Dolbeau-Missassigny? Est-ce que ça vient d'un peu partout? Ça vient d'un petit peu partout. L'an passé, j'ai pas encore eu les chiffres de cette année, mais l'an passé, sur nos participants, 30% de la population des participants venaient de Dolbeau-Missassigny. OK. 70% venaient de la région du lac Saint-Jean. Okay. Et 85% venaient du Saguenay-Lac Saint-Jean. Donc, c'est quand même très, très bon. Il n'y a pas de Québec puis il n'y a pas de Montréal. Là. Oui, l'an passé, nous avions des participants d'Ottawa, nous avions des participants de Winnipeg. Ah, Winnipeg, ça passe que Winnipeg. Ben, ça, une adresse. Ouais. L'inscription était faite au nom de Winnipeg avec une adresse. Nous avions Ottawa, nous avions Nouvelle-Écosse. OK. Du côté des bénévoles, tu as dit 100 bénévoles. Est-ce que c'est difficile à trouver ou ça se trouve assez bien dans l'ensemble? Je peux dire que lors des deux premières éditions, ça a été un petit peu plus facile à trouver nos bénévoles. Cette année, on a eu un petit peu plus de difficultés, mais on les a trouvés. OK. Donc, ça devient difficile. Hey, dis-moi, si on parlait un peu de... à qui ça va, ça, cette année? Par les années passées, c'était le centre de ski de Domiski. Ça allait à là. Ça allait également à d'autres organismes. Ça va là également, cette année? Oui, la course, c'est la principale campagne de financement de notre club d'haltérophilie à Dolbeau-Missassigny. OK. Nous, c'est moi le président qui est ouais. Le club. C'est notre façon de récolter des sous. Par l'an passé, nous allions chercher 7 500 $ pour le club et nous donnons 2 500 $ à Domiski. Ça, c'est les chiffres de l'an passé que nous avons remis là, avec les inscriptions, la restauration et les commanditaires. Donc, ça boucle pas mal. Puis avec ça, ça assure la pérennité du club Haltérophilie. Là. Oui. C'est nous, cette année, pas cette année, mais l'an passé, la ville nous a donné, nous a vendu pour $1 un local sur la rue des Mélèzes, l'ancienne caserne de pompiers à côté de Parent-Centre. Ouais. Nous, le club, on a mis pour $50,000 d'investissement, c'est-à-dire on a refait l'extérieur, on a réaménagé l'éclairage, le chauffage, le local à l'intérieur pour déménager notre club d'haltérophilie là dans ce magnifique local. OK. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances, Richard. C'est pas mal intéressant encore. Donc, c'est une belle activité qui amène des belles retombées économiques. Fais parler de Dolboum Cessny. Puis bravo encore une fois. J'invite aussi la population qui ne font pas la course, s'ils sont intéressés à venir voir sur place, se rendre à l'ancien stationnement du Festival Western, prendre les navettes, puis venir à Domiski, voir les coureurs. C'est totalement gratuit d'entrer sur le site. Okay. Il y a juste un montant de $10 à payer là, pour stationner son auto à la place du Festival Western. Puis tout cet argent-là est remis à des jeunes pour notre club d'haltérophilie. Ben bravo, puis au plaisir de se parler. Oui, merci. De Richard Bello du Bootcamp à Dolboum.